sarcastique au son d'un métronome. Enfile un parterre-tel pour séduire une poubelle qui n'a pas la parole, la concierge s'étonne. Battant son soutien-gorge comme pour les babas. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. Oh. Sans humour, c'est poigné comme une fée, les habits et velours. Elle qui n'a pas sa langue dans sa poche trouée. Un téléphone, ça pleure sur les prises écouteurs. Moi qui bloque des chagrins du soir au petit matin. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. Service à minuit dans les squares, montrant son appendice à tous les fonds de tiroir. Dévasté par mes zigs, direction le parloir. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. Yeah. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. La vie anachronique en parallèle qui vous nique. Anachronique en parallèle qui vous nique.